par l'amour. La prochaine chanson s'appelle All the Best. Elle parle de la difficulté de garder ses amis quand on part de chez soi, quand on migre. On émigre, non ? Moi, je suis originaire de la Champagne et je vis en Bretagne depuis quelques années. Ça fait quelques centaines de kilomètres, 500 à peu près. Il y a des amis qui sont restés, il y en a d'autres qui sont évaporés. Et cette chanson, elle parle de ça, d'une relation qui se termine en gros, une relation amicale. Donc, all the best, en anglais, ça correspond à je te souhaite le meilleur. Ouais, traduire ça comme ça.